tous maintenant sans raison. Mon aquarium et mon verger sont l'exemple de ma douceur. Pour que mon bonheur soit parfait, j'ai mis un crabe dans ton cœur. Il modifie le cours du temps. Et toi, je te vois revenir au bon gré de ses pincements. Et si un jour je me lassais tout couvert d'écailles.